Ils sont déchus, ils reviendront jamais. Je suis là, attends, tu veuilles de moi, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Plus j'avance, plus tu recules, et plus on est loin. L'un de l'autre même. Si on est de plus en plus près au fond, on est loin, loin, loin, si loin. On se fait des convenances, on se fait des convenances pour tenir. Pour tenir ensemble un petit peu, se fait des convenances, mais au fond, on ne se comprend pas, on n'a rien à voir, chacun voit ses problèmes, il n'en a rien à foutre en fait de l'autre. On empathie. Ah, on voudrait tant que l'on soit aimé. On aime et on se fait refuser l'accès. Si tu voulais juste, on peut te laisser aller. Un peu, laisse-toi aller. Ouvre-toi à moi, ouvre-toi à moi. Tu crois que chaque fois je me moque de toi, alors que c'est pas vrai. Bien au contraire. Tu te refermes et tu dis, tu n'y as plus accès. Alors que moi, je voudrais. Je voudrais avoir accès à ton réseau en illimité. Tu t'en fous de ce que je dis, de toutes mes pensées. T'es dans ton monde ailleurs, même si tu es si près, tu es ailleurs. Je sais pas vraiment où, mais tu es ailleurs. Tu ne profites jamais de la réalité. Tu es ailleurs. Profite jamais de l'instant, de la réalité. Cette réalité, tu n'en profites jamais.